Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse du général au président un itinéraire gaulliste par Emmanuel Laurentin et Véronique Lamandour. Au départ de cette série, il y a les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle, les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin, point de départ de l'organisation de la Résistance qui a permis que se mette en place le programme du Conseil national de la Résistance, le programme des jours heureux. Alors pour commencer, les personnages. Un général qui inaugure, des résistants qui se souviennent, un compagnon de route devenu historien, des frères d'armes et des politiciens. Ensuite, le décor. Un immeuble comme les autres, un entresol, des réunions, un bureau, des votes, le communisme, des divergences, des consensus, l'utopie, la politique, la BBC et un débarquement. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute les archives. Le 27 mai 1943, se réunissait pour la première fois à Paris, dans un immeuble situé 48 rue du Four, au premier étage, le Conseil national de la Résistance. Et c'est dans l'appartement que M. Corbin occupe encore aujourd'hui que pour commémorer cet événement et rendre hommage à la mémoire de Jean Moulin, le Conseil national de la Résistance. Ici s'est tenue le 27 mai 1943, sous l'oppression allemande, la première réunion clandestine du Conseil national de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin, délégué par le général de Gaulle. Le fauteuil occupé alors par Jean Moulin est drapé d'un drapeau tricolore et son portrait est voilé de... 1944. Une utopie politique, le programme commun de la Résistance. Du Conseil national de la Résistance, ministre des Affaires étrangères. Mais là, pour la lire, j'ai du mal parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, racontez-nous alors les anecdotes, alors allons-y. Bon, ben lisez la plaque, voilà. Alors, je vous mandate pour lire la plaque. Ici s'est tenue le 27 mai 1943, sous l'oppression allemande, la première réunion clandestine du Conseil national de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin, délégué par le général de Gaulle. Ça vous dit quelque chose, madame ? Oui, alors tout à fait exact, parce que dans cet immeuble 48 rue du Four, dont vous pouvez lire la plaque, le général de Gaulle est venu l'inaugurer parce qu'effectivement, Jean Moulin, qui était donc l'auteur du Conseil national de la Résistance, quand il a réuni ces 15 personnes importantes de tout parti politique confondu pour avoir un endroit pour les accueillir, ça s'est passé à l'entresol. Vous pouvez appeler ça le premier, mais enfin à l'époque ça s'appelait l'entresol. J'ai des personnes qui s'appelaient monsieur et madame Corbin, qui étaient des amis particuliers de Jean Moulin, qui ont dit on a un appartement qui correspond très bien, parce qu'on va vous donner notre salle à manger, vous pourrez faire vos réunions, et puis si jamais vous êtes observé et que vous ne pouvez plus ressortir par cette entrée-là, l'entresol, il y a des jardins intérieurs. On peut sortir rue du Dragon, on peut sortir aussi 46 rue du Four, enfin bon. Alors, quand il y a eu cette inauguration de plaque, ben forcément, nous, on était là, parce que c'était génial. Alors, dans la rue, bon, grands échafaudages, pas échafaudages, mais des podiums, des machins, il y avait toute la garde républicaine, le général de Gaulle est venu faire son discours. Alors, moi, j'ai plein de photos de tout ça, bien sûr. Et il y avait Georges Bidault également, qui était le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR. Ben forcément, il y avait tout ce qui était important. Il y avait aussi d'autres personnes dans cette maison qui s'occupait de résistance, mais qui ne savait pas. Forcément, si chacun savait que c'était là que ça se passait, il y aurait eu des fuites. Mais alors, ce qui est certain, c'est que c'est ici la première réunion où les 15 se sont réunis, puis alors après, ça s'est divulgué dans tous les lieux de résistance qui avaient des responsabilités. Mais ce qui était très génial, c'est qu'au point de vue unité, on ne s'occupait pas de quel parti on était, si on était socialiste, communiste, de droite, de gauche. Et c'est ça la valeur de Jean Moulin, c'est qu'il avait fait l'unité de tout le monde. Et on n'avait qu'un but, c'était que l'Allemand ne soit pas le mettre chez nous et puis le dégager. Ici s'est tenue le 27 mai 1943, sous l'oppression allemande, la première réunion clandestine du CNR, sous la présidence de Jean Moulin, délégué par le général de Gaulle. Le drapeau tricolore s'est abaissé, la plaque a été découverte. Puis le général de Gaulle se lève, il va parler. Si dans la lutte qui vient de se terminer, la France a pu se rassembler, si elle a pu prendre sa part efficace et glorieuse, si elle a pu participer à la victoire, c'est parce que tous ces combattants n'ont mené qu'un seul combat. S'ils n'ont mené qu'un seul combat, c'est parce qu'ils ont pu, par le plus grand effort qu'on puisse faire sur soi-même, oublier toutes leurs divisions, négliger les divergences qui séparent toujours les hommes, surtout quand le péril est là et que l'angoisse les étreint. Le Conseil national de la résistance a été à la fois symbolique de cette union. Du Conseil national de la résistance, on ne se souvient, en général, que de deux dates. La première réunion, tenue rue du Four à Paris un jour de mai 1943, sous l'égide de Jean Moulin, et qui marquait, après des mois de travail, l'accomplissement de l'union de la résistance. Et du 15 mars 1944, quand après un hiver d'attente difficile pour la résistance, ce même Conseil national, présidé par Georges Bidault, publiait son programme pour la France. Un programme devenu mythique au fil des ans, auquel bon nombre d'anciens résistants continuent encore à se référer comme à un dernier moment d'union avant la reprise des combats politiques d'après la libération. Claude Bouchinet-Sérol. La question de la présidence du CNR se posait avec acuité et des difficultés nouvelles dès lors que aucune personnalité n'était désignée pour remplacer Moulin dans la totalité de ses pouvoirs. Et il est devenu président du CNR. Si vous examinez la situation en 1943, l'ordonnance qui a créé le CNR, il n'y a pas grand-chose. Robert Chambéron. C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué comment ça sera organisé, comment ça fonctionnera, etc. Et c'est le Conseil national de la résistance qui se bat. Et qui s'auto-organise d'une certaine façon. Et qui s'auto-organise parce qu'il est dans la bataille. Il est confronté à l'ennemi. Il est là, sur place. Il s'organise. Donc on a fait un bureau restreint où chacun représentait quelqu'un, où toutes les tendances étaient représentées. Et ce bureau, il va se réunir presque toutes les semaines, n'est-ce pas ? Mais ça implique qu'il faut trouver les bureaux. Il faut assurer la sécurité. Ça, c'était le travail de Pierre Meunier et mon travail, chargé par Moulin de faire ça, et après par Bidault. Et c'était pas simple. Le bureau, sorte de gouvernement du CNR, était composé de 5 membres. Georges Bidault en tant que président, Louis Saillant, Pierre Villon, Maxime Bloch-Mascart et Pascal Copeau. Quand il fallait voter, Pascal Copeau votait plus souvent pour la motion communiste que pour la motion conservatrice ou modérée. Georges Bidault, lui, était un homme dont les convictions sont restées les mêmes, mais qui n'aimait pas la bataille. Claude Bouchinet-Sérol. Il cherchait le consensus. Et quand le consensus penchait à gauche, eh bien, il atermoyait, il gagnait du temps, il noyait le poisson. Et puis, après 4-5 semaines où aucune décision n'était prise, finalement, il concédait tel ou tel texte qu'il aurait refusé dès l'abord. Quant à Villon, je n'en parle pas, il était, ce qu'il a toujours été, un homme d'une très grande honnêteté, d'une très grande droiture dans ses convictions marxistes, et il n'a jamais débordu de celle-ci. Et on dit que c'est lui qui... Et Villon était l'élément moteur de ce bureau. C'était le plus gros travailleur, le plus expérimenté. Il avait 20 ou 25 ans de vie militante. Il était très intelligent, très charmeur. Il avait beaucoup de séduction. Et progressivement, mais assez vite, il a gagné une position parmi les membres du bureau éminente. L'influence qu'on a découverte après comme étant vraiment dominante, c'est celle de Villon. Jean-Louis Crémieux-Briac. On n'avait pas très clairement conscience que l'influence communiste était en train de devenir aussi forte. Et d'ailleurs, ça a été progressif. la véritable prise en main du CNR et des organismes militaires dirigeants de la résistance s'est faite tout à fait dans les derniers mois avant la libération. Ce qu'on sentait clairement, c'était la montée progressive du poids et de l'influence du Parti communiste, qui se traduisait à la fois par les télégrammes de Bingen, naturellement, par la multitude de journaux clandestins communistes qu'on recevait, c'était stupéfiant. Et puis par le poids des communistes à Alger, où il y avait tout de même 28 députés communistes. Donc il y avait une montée en puissance que l'on sentait, mais que l'on a senti avec retardement. Il est certain que Villon, d'après tous les témoignages qu'on a recueillis sur lui, mais convergent, était une très puissante personnalité, avec un caractère d'entraîneur d'hommes, une dialectique forte, une espèce de passion interne, et puis une doctrine de la tactique qui lui était dictée par la tradition révolutionnaire, d'une part, et puis par le parti, et qui était la doctrine de l'action immédiate. Ceux qui, de loin, vous lancent des consignes de désordre, ne participent pas aux risques qu'ils vous font courir. Ils voudraient entraîner la France dans une nouvelle aventure dont l'issue ne saurait être douteuse. Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance... Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain: y a-t-il des salauds parmi nous? Tous prennent tes pieds. Ce bureau pouvait paraître relativement équilibré si Louis Saillant n'avait pas viré de bord. Claude Bouchinet-Sérolles. Et il le fit d'une façon très, très visible et très prononcée dans cette période. Il était le représentant de Léon Jouault, qui était une force syndicale modérée, et il a joué la carte communiste dès lors que les communistes avaient également une centrale syndicale qui s'est fusionnée avec celle de Jouault, mais qui en a pris le dessus. Dès lors, l'équilibre auquel Bidault avait pensé, et nous-mêmes, était rompu. Ce qui veut dire que le bureau du CNR a pris une toute autre tournure, d'autant plus que Villon a joué un grand coup. Il a proposé au président et à ses collègues que le CNR devienne le moteur exécutif de la résistance, pas moins. Et ça a traîné, comme je vous le dis, ça a traîné des semaines et des semaines, et puis finalement, il s'est autoproclamé exécutif de la résistance. Ce qui voulait dire qu'il était en compétition directe avec le général de Gaulle, qui était, lui, président du gouvernement provisoire, qui était le patron de l'exécutif. Il y avait donc de Gaulle, et puis il y avait ce CNR pseudo-exécutif, mais qui se parait des plumes du paon avec énormément de fierté. Il est possible qu'un pays comme le nôtre, illégitime que soient ses aspirations vers la paix, ne finissent pas par comprendre que ceux qui ont abusé de sa propre souffrance pour le mener vers les voies sans issue de la rébellion et de la guerre civile ont porté à la France des coups plus rudes et peut-être plus irréparables que la défaite elle-même. De voir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Tandis qu'à Radio Paris, Philippe Henriot ne cesse de dénoncer les terroristes, les hors-la-loi, la résistance, cette même résistance semble tiraillée entre intérieur et extérieur. La disparition de Jean Moulin donne lieu à des tentatives d'autonomisation du CNR par rapport à Londres et Alger. Londres est loin, difficile à joindre, surtout à partir de janvier 44 et de l'installation sur la France d'une météo épouvantable. Et Alger, encore plus loin, même si tous savent qu'une assemblée consultative composée de toutes les tendances de la résistance y siège. La tentation de l'autonomie est là, la libération semble proche. Pourquoi le CNR ne participerait-il pas au bouillonnement politique et intellectuel de cet hiver 43-44 en traçant des lignes d'avenir pour le pays ? que la discussion a été sérieuse. Robert Chambéron. Il y a eu des difficultés, on ne peut pas le nier. Elles ont été surmontées. La règle au sein du Conseil national de la Résistance, c'était l'unanimité. Le CNR, c'était un organe de direction, mais où étaient représentés les différents mouvements partis. Mais chacun avait son autonomie. Chacun pouvait mettre en œuvre, selon ses méthodes, selon l'endroit où il se trouvait, selon un certain nombre de critères, pouvait mettre en œuvre les décisions qui étaient prises. Or, s'il y avait eu des désaccords, on n'aurait pas compris que, par exemple, je parle pour la phase militaire, il y a une partie des FFI qui se battent et l'autre qui ne se battent pas. Il fallait une corde. Quand on fait la guerre, il faut une unité de doctrine et il faut une armée. Hein. Mais que ce soit une guerre économique ou une guerre tout court. Alors, il y a évidemment de grandes discussions. On a eu 6 textes, 6 projets. Aucun n'a franchi la barre de l'unanimité. Parce qu'il n'était pas cohérent. Venait pas seulement du CNR, il venait de la délégation de De Gaulle, du comité des experts, du Parti socialiste, de la CGT, du Front national, etc. Et le seul qui a été retenu, c'est celui du Front national. Pourquoi ? Parce qu'il était cohérent, en ce sens qu'il posait le problème de la lutte pour la libération du territoire en même temps que les mesures à prendre pour la prélibération. Il était cohérent. Programme d'action de la Résistance. Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est en effet qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. Plan d'action immédiate. Les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR insistent auprès du Comité français de la Libération nationale pour qu'ils mettent tout en œuvre afin d'obtenir des armes et de les mettre à la disposition des patriotes. Ils constatent que les Français, qui ont su organiser la résistance, ne veulent pas, et d'ailleurs ne peuvent pas se contenter d'une attitude passive dans l'attente d'une aide extérieure, mais qu'ils veulent faire la guerre, qu'ils veulent, et qu'ils doivent développer leur résistance armée contre l'envahisseur et contre l'oppresseur. Il y avait bon nombre de problèmes, surtout dans le domaine économique et social, sur lequel nous étions tout à fait d'accord. Peut-être parfois avec des nuances, mais nous étions d'accord. Nous étions d'accord sur les nationalisations. Nous étions, et ce qui était un chapitre très important, et sur lequel il était bien difficile de ne pas être d'accord, puisque nos banques et nos grandes entreprises étaient exsangues. Ils ne disposaient d'aucune trésorerie. Si l'État ne les avait pas sauvées, elles étaient en voie de disparaître. Tout en luttant de cette façon, et grâce à l'appui de solidarité et de combativité que développe cette lutte, les comités de ville, de village et d'entreprise devront en outre renforcer les organisations armées des forces françaises de l'intérieur par l'accroissement des groupes de patriotes, groupes francs, francs-tireurs et partisans recrutés en particulier parmi les réfractaires. Ce programme correspondait effectivement aux besoins qui étaient évidents du moment. André Tollé. Il fallait sauver la France, il fallait d'une part l'action, il fallait d'autre part préparer un avenir et qui entraîne les masses pour redresser la France qui était quand même tombée bien bas. Et puis il fallait s'appuyer donc sur les couches qui s'étaient montrées capables de défendre l'intérêt national pendant cette période. Alors, sécurité sociale dans ce programme. Sécurité sociale, hausse des salaires, nationalisation. Ça, c'était admis, la première chose qui a été admise par tout le monde. Mesures à appliquer dès la libération du territoire. Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. afin d'établir le gouvernement provisoire de la République formé par le général de Gaulle pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle, afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de la collaboration. Afin à la vérité, la confiscation c'est des pas des traîtres, comme on l'a entendu souvent dire, Robert Chambéron. Un programme de gauche ou un programme de droite ou un programme du centre. C'est le programme qui correspond à une situation donnée, à une époque donnée, et, n'est-ce pas, qui répond à la volonté d'un pays qui se bat et qui veut ramener la démocratie dans ses limites véritables, c'est-à-dire sur le plan, surtout sur le plan social. Et en même temps, sur le plan économique, car il faut penser que les forces qui ont soutenu Pétain et qui sont passées dans la collaboration représentaient des gros intérêts, des moyens de production, etc., que nous avons nationalisés après la guerre. Instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. La fin du programme dit « Ainsi sera fondée une république nouvelle qui balayera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité qui leur avait fait perdre des entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la guerre. C'était aussi en fonction de faire quelque chose de nouveau, c'était dans l'intérêt national, et aussi parce que on voulait aussi s'appuyer, tout le monde avait compris qu'il fallait s'appuyer sur les couches qui avaient été actives. Et les couches actives, c'était pas les trusts. C'était la classe ouvrière, c'était le peuple, c'est bon. Droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Rajustement important des salaires et garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Garantie du pouvoir d'achat national par une politique tendant à la stabilité de la monnaie. Reconstitution. C'est une utopie aussi. Ça a une dimension d'utopie, ce programme. Alors les utopies, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire rêver, c'est fait pour motiver, c'est fait pour faire agir, et c'est fait pour formuler des regrets aussi. Visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Sécurité. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas bien vue. Robert Chambéron. Je le dis quelquefois. Il y a deux points qui n'apparaissent pas dans le programme. C'est quand même incroyable. C'est le mot laïcité et c'est le droit de vote des femmes. Oui, qui pourtant sera accordé en 1945. Oui, mais parce que la question est posée à l'Assemblée consultative, je crois, par Grenier. Mais elle n'est pas dans le programme du CNR. Et pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? C'est simple. La laïcité, parce que la partie catholique chrétienne du Conseil national ne veut pas en entendre parler. Les démocrates chrétiens. Les démocrates chrétiens. Et les radicaux sont viscéralement opposés au vote des femmes, en particulier à Alger, je me souviens, c'était Jacobi, au motif qu'elles sont entre les mains des curés et qu'elles voteront nécessairement à droite. Et c'est pourquoi on n'a pas pu s'entendre et que vous ne le trouvez pas. Alors que ce sont des fondamentaux, si je puis dire, de la République, n'est-ce pas, la laïcité, le droit des femmes. Et c'est parce qu'on a éliminé les points sur lesquels on n'était pas d'accord et retenu ce qui était l'essentiel qu'on a réussi à faire un programme qui correspondait à l'exigence de l'époque de la résistance. Nationalisation, sécurité sociale, augmentation des salaires, installation d'un plan en France, le programme du CNR voit loin. Mais pour le moment, les Allemands sont là, il faut agir et vite, sur le terrain. Vu de Londres ou d'Alger, l'objectif semble moins prioritaire. Donc à Paris, le CNR peaufine un programme pour l'avenir, mais aussi et surtout pour le présent, qui insiste sur la nécessité d'un plan d'action immédiate en vue du débarquement et de la libération du territoire. Pour ce qui me concerne, moi je travaille beaucoup au commissariat à l'intérieur, Raymond où on se préoccupe justement de ce qui se passe avant. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Cette espèce d'état clandestin qui est constitué en France et qui se prépare à participer à la lutte pour l'indépendance après les débarquements. Et donc, on attache beaucoup d'importance à la première partie, qui n'est pas la partie la plus connue actuellement. Il y a un certain nombre de thèmes de discussion très importants avec les alliés, mais aussi à l'intérieur des organisations de résistance, et particulièrement dans l'organisation dans laquelle j'ai travaillé avant mon arrestation, qui est l'armée secrète, notamment sur le thème de l'action immédiate. Est-ce que l'armée secrète se prépare à intervenir seulement au moment de la libération, ou est-ce qu'elle a tout de suite à s'engager dans l'action? Et quand le programme du CNR sort, le problème est tranché, c'est-à-dire que le programme du CNR demande une action immédiate des organisations de résistance, notamment armées, pendant l'occupation. Et vu la montée des maquis, il fallait des armes aux maquis, ça c'est en 1943, et à partir du moment où les maquis avaient des armes, il fallait bien les laisser se battre, et donc on était entraînés à partir de la fin 1943 à accepter, et même à pousser, à encourager, à magnifier l'action immédiate. Jean-Louis Crémieux-Brillac. Il faut distinguer trois choses en ce qui concernait l'action. Premièrement, l'armement des maquis. L'armement des maquis, il n'a pas été possible avant que les Anglais ne s'y décident. Or, les Anglais ne s'y sont décidés que fin janvier 1944. On nous engueulait parce qu'on n'envoyait pas d'armes, mais enfin, les Anglais ne voulaient pas en envoyer. Bon. L'action immédiate, on l'a admise et encouragée à partir de la fin 1943, parce qu'il fallait que les maquis se battent, qu'ils harcèlent, qu'ils fassent sauter des trucs, etc., et puis qu'ils vivent, qu'ils subsistent. Mais le plan d'action général, qui serait celui de la participation par une insurrection nationale, comme de Gaulle l'avait annoncé, au moment de la libération, alors ça, c'était un enjeu, et un enjeu sur lequel on n'y voyait pas encore très clair, mais qui était certainement capital, et qui, à l'époque, a été le point de divergence le plus important sur le programme du CNR. Parce que toute la partie politique du programme du CNR, c'est-à-dire les nationalisations et la sécurité sociale, on était d'accord, De Gaulle l'avait annoncé, et le plan, c'est la même chose, tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un plan économique. Mais sur la première partie du programme du CNR, c'est-à-dire l'action immédiate et la participation des résistants à la libération, là, il y avait sans aucun doute une divergence. Seulement, cette divergence, elle n'était pas encore très claire. Pierre Mendès-France, ministre des Finances, trace le programme des mesures à prendre. À l'heure où commence la libération de la France continentale, les Corses vont franchir une étape nouvelle sur la route de l'assainissement politique, économique et social que suivront demain leurs frères encore prisonniers. Rétablissement de la légalité républicaine, épuration politique, administrative et économique, révision progressive des salaires, amélioration inévitablement lente mais sûre du ravitaillement. Aujourd'hui, une autre réforme va entrer en vigueur. Le dernier numéro du journal officiel publie en effet deux ordonnances qui organisent la taxation sévère de tous les enrichissements réalisés depuis 1939 et la confiscation totale de ces enrichissements qui ont un caractère illicite ou coupable. Vous savez qu'il y a eu un débat au sein de la résistance. Robert Chambéron. Il y avait un désaccord sur l'attitude, le rôle de la résistance. À Londres, il y a des gens qui disaient la résistance, elle attend le débarquement et à ce moment-là, elle interviendra. Mais les gens qui se battaient, ils ne voyaient pas des choses comme ça. Le CNR disait non. Pas tout le CNR au début. Le CNR disait non. Nous sommes nés dans le combat, nous sommes développés dans le combat, nous voulons prendre notre part au combat, nous voulons nous affirmer dans le combat. L'heure du débarquement se fait attendre. La tension est sans cesse entretenue. la résistance maintenue en haleine. En vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises par la coordination des formations déjà existantes ou des créations nouvelles et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle des comités régionaux de libération qui transmettront les directives du Conseil national de la résistance. Le but principal doit être, à chaque échelon, de coordonner l'action militaire avec l'action de résistance des masses. Tel est votre programme en attendant le déclenchement des opérations. N'attendez pas de nous que nous vous en révélions la date, que nous ne connaissons pas évidemment, mais que chacun comme nous sait proche. Rappelez-vous seulement ce que nous vous avons dit tant de fois à propos du fameux jour J. Ce jour ne marquera que le début des opérations et aucune manifestation inutile ne doit en compromettre le déroulement ni mettre en danger vos personnes. De même que l'on ne peut pas savoir la date exacte, on ne peut pas connaître les lieux précis. En tout état de cause, il y a des objectifs militaires évidents, dont ceux qui ne combattent pas doivent s'éloigner. Il y a des zones de combat probables que chacun peut supputer. Mais pour les résistants, la lutte risque d'être plus... La doctrine de De Gaulle n'était pas fixée encore, la doctrine de la France libre, la tactique à adopter à la libération n'était pas fixée. C'est seulement en mars que ça a été fixé. Par qui ? Par le BCRA. Moi, je vivais dans l'illusion lyrique de l'insurrection nationale. Jean-Louis Crémieux-Briac. Mais, parce que De Gaulle avait dit l'insurrection nationale est inséparable de la libération nationale. Mais comment se ferait-elle cette insurrection nationale ? C'est là-dessus que la divergence a éclaté, alors, quand on a été à la veille du débarquement, au mois de mai. Au mois de mai. Mais jusqu'au mois de mai, ça n'a pas été clarifié, parce que du côté gaulliste, disons, les idées n'étaient pas encore claires, elles se sont clarifiées entre mars et mai. C'est le 15 mai que De Gaulle a fixé ce que devait être la position en ce qui concernait la tactique, en ce qui concernait l'insurrection nationale. Alors, ceux qui avaient une idée tout à fait claire, qui savaient ce qu'ils voulaient, c'était les Anglais. Les Anglais étaient décidés à ce qu'il n'y ait pas d'insurrection nationale. Non seulement ils y étaient décidés, mais depuis septembre 1943, ils interdisaient les mots insurrection nationale à la BBC. Ils ne voulaient pas avoir la responsabilité de massacres prématurés, représailles allemandes sanglantes. Ils voulaient que ça soit raccordé aux opérations du débarquement conformément aux ordres de l'état-major. Mais De Gaulle ne l'a décidé sous cette forme que le 15 mai, vous comprenez ? Pour un débarquement le 6 juin. Pour un débarquement le 6 juin. Et alors, moi ce que j'ai vu, c'est une discussion acharnée à ce sujet, pas sur le texte du CNR, mais sur les ordres qu'on allait donner effectivement à la BBC. Est-ce qu'il fallait que l'insurrection nationale soit le 6 juin ou qu'elle ne soit pas le 6 juin ? Et alors, du côté du commissariat à l'intérieur, qui avait la responsabilité politique de tout ça, il y a eu une discussion de 8 jours à ce sujet avec les Anglais d'un côté et Waldeck Rochet qui représentait les communistes de l'autre. Waldeck Rochet, il voulait son insurrection nationale le 6 juin. De sorte que c'est Boris qui a dirigé, Georges Boris, qui était l'homme fort du commissariat à l'intérieur, future éminence grise de Mendès-France, qui a dirigé la négociation. Il a mis 8 jours à faire accepter par Waldeck Rochet qu'on parlerait d'insurrection nationale. Il y aurait une insurrection nationale. Mais que l'insurrection nationale, elle serait, premièrement, échelonnée dans le temps, et deuxièmement, qu'elle pourrait prendre des formes différentes selon les régions. De sorte qu'effectivement, l'ordre de soulèvement national a été donné pas le 6 juin. Il a été donné d'abord pour la Bretagne le 4 août, puis ensuite pour les pays entre Loire et Garonne, et puis ensuite pour les Alpes, etc. Mais ça n'empêche pas que de Paris, Villon et le Comac nous envoyait des télégrammes incendiaires parce qu'on ne poussait pas suffisamment à l'action immédiate. Et ça avait un aspect politique qui était capital, parce que le CNR, disons la partie communiste du CNR et le COMAC, son comité militaire, considéraient que la responsabilité des opérations en France devait leur revenir, qu'ils étaient mieux à même sur le terrain de juger de ce qu'il fallait faire et de ce qu'on pouvait faire que n'étaient les gens des bureaux de Londres. Et les gens des bureaux de Londres, ils étaient en liaison avec Eisenhower, naturellement, et avec les plans d'opération alliés, et ils savaient bien que ça allait s'échelonner et que le débarquement en Provence, il serait pas avant le mois d'août. Pour la nation qui se bat, les pieds et les poings liés, contre l'oppresseur armé jusqu'aux dents, le bon ordre dans la bataille exige plusieurs conditions. La première est que les consignes données par le gouvernement français et par les chefs français qu'il a qualifiés pour le faire à l'échelon national et à l'échelon local soient exactement suivies. La seconde est que l'action menée par nous sur les arrières de l'ennemi soit conjuguée aussi étroitement que possible avec celle que mènent de front les armées alliées et françaises. Or, tout le monde doit prévoir que l'action des armées sera dure et sera longue. C'est dire que l'action des forces de la résistance doit durer pour aller s'amplifiant jusqu'au moment de la déroute allemande. La troisième condition est que tous ceux qui sont capables d'agir, soit par les armes, soit par les destructions, soit par le renseignement, soit par le refus du travail utile à l'ennemi, ne se laissent pas faire prisonniers. Que tout cela se dérobe d'avance à la clôture ou à la déportation, quelles que soient les difficultés, tout vaut mieux que d'être mis hors de combat sans combattre. La France, une fois libérée, à qui confier le pouvoir? De Gaulle et Alger ont une idée précise, rétablir la légalité républicaine, réinstaller les structures défaites par Vichy. Le CNR, bien sûr, n'imagine pas autre chose. Seules les modalités diffèrent. Le programme évoque des milices patriotiques qui deviendront point d'achoppement entre communistes et non-communistes dans l'été 44. Et le plan d'action immédiate souhaite également la constitution de comités départementaux de libération dans tous les départements, avec ou sans les préfets ou les commissaires de la République. Des comités départementaux de libération, d'accord, mais composés par qui et comment? Claude Bouchinet-Sérolle. Nous estimions indispensable que les départements s'organisent. Ils n'avaient plus de conseil général et il n'y en aurait pas, quelle que soit la constitution qui soit choisie pour l'après-guerre, il n'y aurait pas de conseils généraux dans les deux années suivant la libération. Il fallait quelque chose auprès du préfet et il fallait que cette résistance qui avait été si active dans le bon nombre de ces départements, se fasse entendre, mais dans l'ordre. Chacun voit l'heure à l'heure de son clocher, et les communistes, pour eux, les comités départementaux de la libération, devaient être autant de comités où les communistes feraient la loi. Alors, nous avons combattu cette intention avec beaucoup de vigueur et de force et de persévérance, en imposant dans l'ensemble des départements français une composition calquée sur celle du CNR. C'était notre argument seul, pratiquement, pour que nous ne voyions pas apparaître des comités de la libération où 9 sur 10 des membres seraient communistes, ou des communistes apparentés, les femmes françaises, les étudiants patriotes, les pêcheurs à la ligne communiste, etc. Il n'y avait pas les moyens de constituer une administration valable en dehors des comités départementaux et locaux de la Libération. Les autres étaient passés dans la collaboration. Robert Chambéron. On ne pouvait pas, comme on l'a entendu dire au procès de Papon, dire nous avions le choix entre les Américains et les communistes, alors on a pris ce qui nous tombait sur la main. Non, ce n'était pas possible, c'était impensable pour les résistants. Donc, nous avons construit cette administration à partir de cette volonté qui existait de faire participer le peuple à la démocratie locale, à la démocratie départementale, etc. Sans quoi, qu'est-ce qu'on aurait eu ? On aurait eu des militaires sortant de la naphtaline qui n'avaient rien fait pendant la guerre. Et on aurait mis quoi, un capitaine qui s'était posé la question de savoir s'il fallait rester derrière Pétain ou passer dans la résistance. C'était pas possible. Je crois que ça a été une des grandes choses de la part du CNR de créer cette administration. Alors, c'est vrai que ça soulevait quelques problèmes parce qu'il y avait des arrière-pensées. Il y a des gens qui ont dit « oui, mais ça va être une prise de pouvoir par les communistes ». C'était la crainte, mais qui était une crainte inexistante parce que c'était stupide. Il y a encore des armes. Ce sont les cloches de la Libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25. Le plus important dans la première partie, c'est la constitution des comités de libération. Raymond Braque. Les comités de libération, tels qu'ils sont exprimés dans la première partie, sont tout à fait conformes à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la résistance s'est organisée d'une part pour participer au combat au maximum, dans la mesure où elle a pu avoir et des armes et des cadres, mais aussi, sur le plan politique, les comités de libération ont été constitués dans la clandestinité et dans la plupart des régions, notamment dans celles dont je me suis occupé par la suite, ils ont pris le pouvoir. Pas seulement les Bouches-du-Rhône, l'ensemble de la région de Provence. Et pour des gens comme moi qui exercent par délégation le pouvoir à la Libération, ben le programme, c'est un petit peu le programme auquel j'essaie de faire coller mon action. Je prends des arrêtés de réquisition parce que il y a une pression locale, et puis c'est dans le programme du CNR. Ça a été accepté par tout le monde, y compris par De Gaulle. Moi, je suis chargé de rétablir la légalité et d'administrer une région au nom d'un gouvernement qui n'a pas de programme, car il n'existe pas de programme du gouvernement du général de Gaulle en 1944. Par contre, je sais que le général de Gaulle, largement, et surtout les ministres qui l'entourent, connaissent le programme du CNR et l'approuvent. Il est d'autant plus important que le pouvoir politique, localement, dans les régions, le programme politique, il est exprimé par les comités départementaux de libération. Les comités départementaux, c'est un petit peu l'image du CNR. Ils se réclament du CNR. Ils connaissent tous le programme du CNR. Par conséquent, on est conduit à considérer un peu que le programme du CNR, c'est le programme du gouvernement de la France. Le Conseil national de la résistance a convié aujourd'hui le peuple de Paris au Vélodrome d'hiver. Une grande tribune drapée de rouge a été aménagée devant une immense tenture bleu, blanc, rouge sur laquelle se détache en grosses lettres dorées CNR. Six mois après la publication du programme du CNR, toute la France n'est pas encore libérée. Paris, la capitale, elle, est libre. Malgré l'union, les tensions entre résistants n'ont pas manqué dans l'été 44. On s'est écharpé sur la trêve entre Allemands et résistants en août, lors de la libération de Paris. La venue de De Gaulle à l'Hôtel de Ville, Paris brisé, Paris humilié, Paris martyrisé, a été l'occasion d'échauffourer entre gaullistes et communistes, mais la constitution du gouvernement provisoire, qui intègre trois membres éminents du CNR, aurait dû calmer le jeu. La résistance française a fait le serment de rester unie pour donner une nouvelle constitution à la France. Comme les autres serments, ce serment sera tenu par la résistance française. Puis voici M. Dastier de la Vigerie, qui lance un vigoureux appel pour une épuration rapide et pour une abolition nécessaire des trusts. Au moins, le gouvernement doit-il s'engager fermement dans cette voie, par de grands exemples et de dures expériences. Si le gouvernement s'engage dans cette voie, Il peut être assuré que le peuple la tuera. Il peut être assuré que le peuple tout entier lui témoignera une éclatante satisfaction. Monsieur Georges Bidault, président d'honneur du Conseil national de la Résistance, ministre des Affaires étrangères, arrive maintenant dans la salle et monte à la tribune. Mes chers camarades, je suis venu vous dire que nous ne pouvons pas, ni maintenant, ni jamais, nous séparer, nous tous, de toutes les familles politiques et spirituelles du pays qui sont restées fidèles à la nation. Ni maintenant, ni jamais. Certes, la volonté d'union de la résistance est chaque jour réaffirmée. Mais chaque jour, la division pointe. Le CNR se veut vigilant vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis du nouveau pouvoir, en éveil sur l'application du programme commun de la résistance, opposé au gouvernement quand celui-ci ne semble pas assez sévère, par exemple dans le châtiment des traîtres. Le CNR tente donc de se survivre comme contre-pouvoir, comme autre pouvoir. Dès le lendemain de la libération, De Gaulle a dit « le CNR il n'existe plus ». Il les a reçus 3 jours après, il leur a dit « vous n'avez plus rien à faire, maintenant c'est fini pour vous, c'est l'État ». Ils ont continué de vivre d'une vie fantomatique et continué à exprimer des programmes et des proclamations, mais ces proclamations étaient en réalité utilisées par les communistes, c'était une justification, une couverture, somme toute. Le général de Gaulle a apporté la couronne d'enterrement Claude Bouchy-Nesserolles au palais de Chaillot, au CNR, qui a plié bagage et qui s'est retiré et s'est dissous dans les semaines qui ont suivi la libération. Il y a eu des tentatives de contre-pouvoir qui n'ont pas mené loin, qui n'ont pas créé d'enthousiasme parmi les ceux qui se réunissaient et qui ont été en s'affaiblissant très vite au cours de l'année 45. Et dès lors que l'on a, le gouvernement a décidé de créer une assemblée constituante, c'est-à-dire dès le début de 45, ben le CNR n'avait plus de raison d'être. Ce vers quoi on regardait dans l'avenir, c'était vers la Constituante. Et le CNR... Alors, naturellement, les armes de combat, les communistes se sont emparés du programme du CNR et en ont fait toute une... Un discours mythique. Oui, ils lui ont donné une valeur mythique qu'en fait, ce programme du CNR n'a jamais eu et qu'il a été très peu lu par très peu de gens, sauf vous. Et entouré de tissus rouges. Tous ces hommes, chargés de souvenirs tragiques, sont graves et réfléchis. S'adressant à eux, Louis Saillant, président du Conseil national de la Résistance, défend le programme du Conseil national de la Résistance, dont l'application intégrale se heurte, paraît-il, à des scrupules de légalité. Jamais gouvernement en France, depuis 50 ans, n'avait disposé d'un tel enthousiasme, de telle offre de collaboration, de telle force vive pour agir. Si ce gouvernement voulait se servir des moyens de réalisation sociale, économique et politique que lui offre la classe ouvrière syndicalement organisée, ce gouvernement pourrait faire des merveilles à l'heure actuelle dans notre pays. Il y a un an, notre charte. Il y a un an hier que le programme du Conseil national de la résistance a reçu la ratification des 16 mouvements de résistance, centrales syndicales et tendances politiques qui composait et compose encore le Conseil. En mars 44, nous avions la conviction d'être les interprètes fidèles des aspirations populaires françaises. En mars 1945, nous avons la certitude de ne pas nous être trompés. Maxime Bloch-Mascart, membre du CNR, Le Parisien libéré, 16 mars 1945. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La charte de la résistance ne restera pas un document d'archive. Franc-tireur clandestin l'a publié en avril 1944. La résistance et franc-tireur libre l'a reproduit 8 jours après la libération de Paris dans son numéro du 30 août 1944. Pas une ligne de ce commentaire n'a vieilli. Et ce n'est pas la faute de franc-tireur si la charte de la résistance est demeurée pendant plus d'une année un document d'archive. Il fallait, pour la promouvoir, l'action des masses. Les masses l'ont compris. Grâce à elle, notre charte de mars 1944 va entrer dans les faits. Franc-tireur, 26 octobre 1945. 1944, une utopie politique, le programme commun de la résistance. Une émission préparée par Séverine Yattard, archivinage Annette Patkierkowski et Martine Auger, texte lu par Daniel Königsberg, prise de son et mixage, Annick Brien, Sébastien Huel. Réalisation, Véronique Lamandour. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Tous ces points du programme, on peut les reprendre aujourd'hui et dire ils sont utiles. Il faudrait les appliquer aujourd'hui. Ah oui, oui. Parce qu'ils sont assez larges pour pouvoir avoir évolué, suivre la société dans son évolution aujourd'hui. Ben oui, écoutez, quand vous voyez par exemple la confiscation des biens des traites, ça c'est du passé. Non, enfin, l'établissement de la démocratie la plus large. En rendant la parole au peuple français, bon, bah, ça reste vrai, et ça se discute encore à propos du référendum. Bon, la pleine liberté de penser, de conscience et de... C'est vrai, toujours. La liberté de la presse, c'est toujours vrai. On peut dire que la liberté de la presse, elle est atteinte par le pognon. Les libertés d'association, de réunion et de... manifestation, ça on l'a à peu près. L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Bon, on a vu que c'est encore nécessaire. On parle encore des cabinets secrets, des cellules secrètes de l'Élysée ou je ne sais où. Bon, le respect de la personne humaine, bon, personne ne le discute, même si on ne sait pas respecter. L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. On en parle beaucoup à la télé, en ce moment, et à la radio. Avec Madame Hamey. Sur les réformes, sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique, ça reste. Et c'est pas appliqué, mais ça reste. Jean-Louis Crémieux-Briac. On voit les prises de position de Dassault, c'est pas dans le sens de l'intérêt national, c'est dans le sens de la maison de Dassault. Et c'est l'intérêt. Robert Chambeyron. Oui, les féodalités économiques, oui. La preuve maintenant, à propos de l'EDF et du Gaz de France. Raymond Aubrac. Nationalisation, c'est contre la, ça a été fait contre, justement, ces coalitions d'intérêts. Bon, et maintenant, ben, et c'est l'appui de l'extérieur, de Bruxelles et autres qui viennent mettre leur nez là-dedans. Et André Tollet. C'est avec la démocratie française. C'est plus l'Europe des nations que préconisait De Gaulle, et avec laquelle je suis d'accord. Il n'y a plus de démocratie. Ça sera les Länder de France ou les Länder d'Allemagne, et puis Bruxelles. Donc, oui. Il y a beaucoup de points qui sont encore valables. En général, tous ces points sont encore valables. D'ailleurs, dans les organisations de résistance, on le republie à chaque instant. On en discutait hier encore au bureau national de la NACRE. Et pour le congrès, on va sortir encore une brochure. Mais c'est plus connu, mais ceux qui l'ont connu l'ont oublié. 1944, une utopie politique, le programme commun de la résistance. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Omaha Beach, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième étape, le costume du président, De Gaulle ou l'invention d'une fonction. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.